Et oui, c'est parti pour la Pokémon. C'est une polka où on va citer les 150 Pokémon. Et les plus rapides gagneront des cartouches de jeu Pokémon et des petits Pikachu en peluche. Et oui, bah, faut bien faire marcher le commerce. Attention, c'est parti. Aspico et Dracaufeu, Electrode et Bois Sirène, Abo et Papillusion, Hippotrempe et Dardagnan, Gaffabel qui Reptincelle, Topiqueur et Nidoran, Rhinocorne et Magneton, tout le monde est la Pokémon. Ah, c'est pas facile, hein? Mais c'est pas grave, vous allez vous y habituer. On va encore faire 2-3 petits tours et ça devrait aller. Attention, c'est reparti pour la deuxième série. Hop! Carabaf et Ratata, Tignon, Strogo, Sac de Nœuds, Lipoutou et Scarabut, Salamèche et Psychoquac, Aquali et Léviator, Métamorphe et Ramolos, Ferrosinge et Boustiflor. Et le pas la Pokémon. C'est l'heure de la polka, pour abrahir un plaisir. Venez danser avec vous, en essayant de ne pas écraser Pikachu. Soyez ses votre partenaire, tant ta cruelle ou bulle bizarre. Bulle bizarre. Y'a de quoi faire une polka, parce qu'il y en a au moins environ 150. Avec Grotta, Morph et Coquillas, Sabelette et Grisacier, Mélope et Racaillou, Rondoudou et Monsieur. Tomonix et Sprogo, Bois de Coco et le Ménard, on flex Draco Polygon, tout le monde de la Pokémon. Tout le monde de la Pokémon. Tout le monde de la Pokémon.